Je ne fais que penser à tout ce que je vais regretter. Tous nos petits malheurs passent vite, je le sais. Oui, car nos deux cœurs sont unis à jamais. Car tu es pour moi ce que j'espérais. Le temps est long et bien triste loin de toi. Si seul je m'ennuie, l'amour peut causer bien des soucis. Aujourd'hui j'attends et j'ai beau vous de peine. Et mon cœur se serre en comptant les semaines. Pense beaucoup à moi, à tes mains peines. Souvent je pense à la joie de te revoir. Je serai rempli d'espoir, car pour nous deux, tout pourra recommencer. C'est bientôt la fin, je vais pouvoir te retrouver.